après jour, les chefs s'avancent, chacun à leur tour devant l'autel. Et sous la répétition apparente, tu révèles un cœur fidèle. Les dons se ressemblent, mais toi tu vois ce que chaque offrande contient. Tu ne regardes pas le nombre d'objets, tu sens de l'amour dans les mains. Tu montres que la persévérance est aussi une forme d'adoration. Jour après jour, nous venons donner, même quand tout semble se répéter. Car chaque offrande posée devant toi est unique à tes yeux, roi des rois. Jour après jour, nous revenons, non par habitude, mais parfois. Car l'amour fidèle qui s'offre sans bruit monte comme un parfum devant toi. Accompagne chaque tribu sans favoritisme ni oubli. Le dernier jour vaut autant que le premier sous le regard de ton esprit. Et dans cette longue procession se construit une nation debout, pas seulement par des lois et des tentes, mais par des cœurs offerts à genoux. Jour après jour, nous venons donner, même quand tout semble se répéter. Car chaque offrande posée devant toi est unique à tes yeux, roi des rois. Jour après jour, nous revenons, non par habitude, mais parfois. Car l'amour fidèle qui s'offre sans bruit monte comme un parfum devant toi. Même dans ce qui semble petit.